La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. Vos espaces verts sont négligés. Vous souhaitez les restaurer et valoriser les extérieurs de votre propriété. Viens découvrir la nature et ses petits secrets. Viens jouer avec les instruments de musique qu'on trouve dans un parc. Goûter des mauvaises herbes. Découvrir les couleurs cachées dans les plantes. Écouter le concert des oiseaux et protéger tout ce petit monde. JRN Service, le spécialiste de l'aménagement et l'entretien des espaces verts. Le patron sur chantier, fort de plus de 20 ans d'expérience, est compétent dans les domaines suivants. Identification des plantes, des bestioles et des cailloux. Observation aux jumelles et à la longue vue, mais aussi création à partir de matériaux que la nature nous offre. Travail soigné jusqu'au moindre détail pour un prix modéré. N'hésitez pas à former le numéro 2 et 4 pour étude et devis de l'entreprise JRN Service à... La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci.